On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rappeler le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me créer, j'ai déjà mon alibi. J'suis dans la zone, aucun blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. Le papier, le rap game tout le temps. Bâtiment délabré, c'est nos vies. Ça crie fort chez moi, j'fous le camp. Écouteur et j'm'envole sur la mélodie. J'me rappelle quand Toto m'apprenait le mic. J'me rappelle de tous ceux qu'on voulait me baiser. J'ai glissé, glissé, glissé grave jeune. Comme si c'est moi qu'avait le moonwalk de Jackson. Elle est tôt, faut qu'on se barre d'ici, me crois-tu pas? Je sais qu'ils aiment pas mon ventre ou ta gueule typée. 93 plus 17 qui font 110. Donc ce soir t'as 110 raisons de te faire entuber. C'est la banlieue avec un piano où le voisin voit tout ce qu'il y a dans ton panier. J'suis trop hargneux, j'ai les épaules, j'ai beaucoup perdu, j'peux mériter de gagner. Il est 86, j'ai les yeux qui plissent. J'vois le mauvais côté du coup, j'ai les mots qui blessent. Une part d'excitation dans le risque, photo jamais loin de l'hésitation pour le reste. Que la gagne, jamais la pénombre. On me dit que mon rêve me dar roman, j'ai peiné. Et c'est le petit qui est haut comme trois pommes qui t'allumera parce qu'il a vu que t'es gainé. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rapper le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me créer, j'ai déjà mon alibi. J'suis dans la zone, aucun blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rapper le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me créer, j'ai déjà mon alibi. J'suis dans la zone, aucun blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. On rentre tard, on charbonne. On a les keufs sur nos côtes, ça fout le seum. C'est pas si simple, la cité, ça fait grave mal. Trop d'impact dans la zone, on est aigri. C'est du bif bif sale qu'on investit. Bonne journée dans le hood, c'est la fiesta. Nos jours, je m'en fume comme un rasta. Reste calme, prends le sac et bicrave tout. C'est par de Saint-Ouen sur le piano, je roule un méga cône. De toute façon, tu nous connais. Faut pas déconner, aucun blaze est donné. J'atteins les sommets, t'es rempli de simules. Est-ce que t'as simule, il faut que je te répète. Fais pas de trous dans les comptes, faut que ça débite. La rue, c'est pas un jeu. Mais on s'en sort comme on peut, yeah. C'est qu'une histoire de rap, de trafic. Et à la fin, c'est tragique. Il t'a trahi pour du papier. Fais-lui une dé, c'est pas grave. C'est qu'une histoire de rap, de trafic. Et à la fin, c'est tragique. Il t'a trahi pour du papier. Fais-lui une dé, c'est pas grave. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rapper le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me créer, j'ai déjà mon alibi. J'suis dans la zone, aucun blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rapper le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me créer, j'ai déjà mon alibi. J'suis dans la zone, aucun blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le